Allez, suivez le guide. Tokende, Totikate, Paradis Alibosso, Pam. Dete, Yamapela, Nzotomike Kasibokonote, Izanga. Loma baguette, coquina, bichou, Kiki Touré débat de Bonnelson Club. Ah.